tout Israël, le Seigneur est un. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu graveras ses paroles dans tes enfants, dans tes pas, dans tes heures. Dans la maison, sur la route, à ton lever, à ton coucher, ta foi ne se vivra pas en secret, mais dans chaque geste répété, la foi se transmet par la vie avant les mots. Enfants.